Le porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée a publié le 9 une communication qui dit notamment « À l'heure actuelle, les États-Unis et leurs civistes se démènent insensément face aux exercices de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée livrées le 6 dernier. » À la nouvelle de ce lancement, le remplaçant du porte-parole du département d'État US s'est présenté au milieu de la nuit pour parler bruyamment d'utilisation de toutes les capacités pour faire face aux menaces de la Corée du Nord, de perfectionnement des préparatifs pour défendre le pays allié et de la sanction soutenue contre la Corée du Nord. Quant au Japon, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et autres personnalités se sont mis en file pour faire bruit précipitamment de la menace d'une nouvelle étape, de l'importance des ripostes de la communauté internationale, alors que les autorités sud-coréennes ont livré à l'abri antiaérien souterrain de la Maison Bleue la réunion de sécurité d'État urgente pour parler insensément d'un certain défi frontal contre la communauté internationale. Ils livraient successivement les têtes à tête avec les citoyens américains et japonais pour quémander la sanction et la pression puissante et pragmatique. C'est au milieu de ces tapages que le Conseil de sécurité de l'ONU, instigé par les trois pays précipités, a de nouveau publié un communiqué mettant en cause nos derniers exercices de lancement, de menaces et violations de la résolution en abandonnant la justice et l'équité internationale. Ainsi, il a marqué une nouvelle honte dans l'histoire de l'ONU en foulant aux pieds la conscience et la demande de l'humanité pour la paix. Pas un pays dans le monde n'effectue les exercices de son armée chargée de la défense nationale sous l'approbation de l'ONU ou en observant les articles des accords internationaux. Il est bien absurde de dire que les exercices de lancement de fusées de notre armée constituent une menace à la paix et la sécurité du monde. Les agresseurs et provocateurs qui s'adonnent à un simulacre de guerre nucléaire contre notre pays sans précédent dans l'histoire, avec de pléthoriques moyens de frappe nucléaire introduits dans la péninsule coréenne et à ses environs, accusent au contraire nos exercices réguliers et justes destinés à défendre la souveraineté du pays. Cela rappelle le voleur qui crie au voleur. Nos forces stratégiques maintiennent l'état d'alerte face à la situation dangereuse où une guerre peut éclater à tout moment et ont perfectionné les préparatifs mobiles, de position, technique et de frappe dans leur position pour lancer les feux impitoyables au moment du lancement de l'ordre. Quelles que soient les balivernes des envahisseurs et provocateurs, elles perfectionneront davantage les fusées d'ultra-précision et intelligentes et développeront davantage les originales méthodes de frappe par fusée. Personne au monde ne peut même imaginer la capacité de frappe illimitée de nos engins et de nos systèmes d'armes stratégiques à la coréenne à ultra-précision, capables d'exterminer tous les ennemis proches et lointains, au moment voulu et à l'endroit quelconque. Le moindre éclat dans notre territoire où s'exerce la souveraineté de notre République fera vomir les feux de nos fusées à l'ogive nucléaire pour exterminer les foyers d'agression et de provocation de façon à ne plus relever. Que les États-Unis et les bellicistes sud-coréens sachent correctement que cela n'est pas la parole vide de sens.